choses, puis ça me faisait du bien d'avoir son point de vue plus extérieur. Tu nous as accompagnés à travers plusieurs étapes, entre autres l'établissement d'un énoncé de mission, une vision, des objectifs. Tu as essayé de guider les comités du mieux que tu pouvais, puis ça a été beaucoup de travail. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues en arrière, puis que tu as fait. OK? J'ai toujours dit, on voit la moitié de ce que les gens font, c'est ce qu'ils nous présentent, mais en arrière, il y a toujours beaucoup de travail. Puis je veux que tu saches qu'on le sait, que tu as travaillé plus que ce qu'on a vu. C'est certain. Fait que merci. Puis c'est pas une mince affaire là, de conduire une église à travers ces étapes-là. Puis on est passé d'un conseil qui devait voir à tout. Hein? Je pense que ça, Jacques, ça le décourageait un petit peu des fois de voir qu'on devait parler de toutes sortes d'affaires, pas nécessairement des gens, puis c'est des gens qui le préoccupent beaucoup. Fait que, là, on a maintenant deux comités, le comité de gestion et le comité des dirigeants. Pour moi, c'est un plus. C'est une des choses que tu nous as aidé à faire. Bien sûr, à travers ces changements, certaines personnes nous ont quittés, puis d'autres se sont joints à l'Église. Pas mal grâce à toi, souvent, parce que tu avais des conversations avec plusieurs personnes. Je pense que tu leur as donné le goût aussi de se joindre à nous. Tu as donc dû vivre des déceptions des fois quand des gens quittaient, puis des joies quand des gens arrivaient. J'espère que tu as vécu plus de joie que de déception. En tout cas, moi, j'en ai vécu beaucoup plus à ton côté. Hein? Puis, ça va pas long, je viens de perdre mon petit bout. Puis j'espère en tout cas que tu sais que tu t'es fait des nouveaux amis. OK? Puis que c'est pas parce que tu vas faire un petit tour pendant un bout de temps que tu perds ces amis-là. Au contraire, j'espère que ça va être des occasions de se rapprocher. Fait que sur un ton plus personnel, voilà ce que je vais retenir de toi, ou ce que je retiens de toi. Premièrement, ta conception des rencontres du dimanche. Comment tu disais, ah oui, je vais avoir besoin de toi. Hier, j'essayais de retrouver ta phrase, mais je retiens l'essentiel. Mais tu sais, tu étais arrivée en disant le dimanche qu'on s'assemble ensemble. Est-ce que tu es capable de compléter? Afin de chercher une sagesse au-delà de nous-mêmes, auprès de Dieu, premièrement, puis auprès des uns et des autres. Puis, fait la phrase, des fois, je la reformule pas dans ma tête, mais l'essentiel est là. C'est quand je viens dimanche matin, j'ai souvent cette idée-là dans la tête. Fait que merci, parce que c'est quelque chose que tu as apporté. Je vais retenir aussi ta façon conviviale de vivre les dimanches. Des fois, c'est peut-être pas parfait. On sait qu'on a des croûtes à manger pour que les cultes soient organisés, en tout cas, mais tu nous as permis d'être plus conviviale, de perdre un peu cette pression-là, de toujours performer, qu'on soit en avant ou même dans le service. Fait que ça a été apprécié. Ton désir que l'Église et la communauté soient un lieu d'accueil et d'acceptation pour tous ceux qui sont, comme tu dis, des chercheurs de Dieu. Ta façon de t'intéresser de façon personnelle aux gens. Je me souviens des choses que tu dis, c'est que l'histoire de chaque personne est sacrée. Puis ça aussi, c'est une affaire. Tu sais, les gens, ils nous amènent vraiment leurs pensées, deviennent nos pensées des fois, puis ça en fait partie. Puis aussi ton désir que les rencontres du dimanche soient variées, qu'on varie nos cultes, puis que ça rejoigne les gens. Fait que quand tu vas partir, c'est ce qu'on va nous essayer de poursuivre. Je vais retenir aussi ton souci pour les jeunes, comment tu t'as à cœur les jeunes, les souper. Puis ton désir de leur donner l'occasion de s'exprimer dans nos rencontres, leur place, que les jeunes aient leur place. Un bout de temps, les jeunes faisaient même le culte. Puis lors de tes soupers que tu fais avec les jeunes aussi. Puis je vais retenir aussi ton amour pour les repas communautaires. Fait que c'est une des raisons pour qu'on voulait faire ça aujourd'hui. On savait que c'était quelque chose que tu appréciais beaucoup. Puis ton intérêt quand les gens partagent. T'écoutes ce que les gens disent. T'écoutes, puis t'essaies vraiment de voir leurs besoins, puis d'y répondre. Puis ça, c'est précieux. Les gens, on est souvent... C'est plus fort que nous, hein? On regarde à nous, mais j'ai vu, toi, des intéressements par rapport à ça, puis vouloir te laisser interpeller par l'histoire des gens. Puis t'as voulu laisser la parole aux gens, puis notre Église en avait besoin. Donc, et puis, je peux pas m'empêcher de te taquiner un petit peu. Donc, premièrement, je connais peu de gens qui passent leurs vacances dans le noir. Jacques, il passe presque toutes ses vacances dans une salle de cinéma au Festival des films du monde. Donc, moi, à chaque fois que je vais penser au Festival des films du monde, je pense à toi. Puis que, c'est particulier, mais je sais que ça t'apporte beaucoup. Puis deuxièmement, si Jacques, il vous envoie un courriel, je pense que vous êtes mieux de répondre vite. Parce que il y a eu affaire à une fille comme moi qui regarde ses courriels aux deux jours. 3 jours, des fois, puis qu'il répond pas tout de suite, en plus. Fait que je lui ai dit que je vais essayer de m'améliorer pour ça. Fait que Jacques, prends soin. Ouais, c'est ça. Jacques, prends soin de toi. Puis je sais qu'il y a des beaux projets, des projets d'avenir et d'espérance pour toi. Puis c'est sûr qu'on veut te revoir parmi nous. Quand tu vas te juger bon, ça va nous faire vraiment plaisir de t'accueillir. Voilà. Je vais y aller tout de suite parce que sinon, il ne restera plus rien. Tout le monde va avoir dit ce que j'avais écrit. Non, mais moi, je savais que tout le monde dirait des bonnes choses. Fait que moi, j'ai décidé de sortir les choses négatives. Non, il n'y a rien de négatif. Ben, moi, je voulais dire, contrairement à Glenn, évidemment, notre amitié est récente, mais je te considère comme un ami. Fait que vive les courriels, vive Facebook, vive Skype quand tu seras loin. Vive les restaurants de Montréal où on peut apporter notre vin. Parce que je compte bien, mais je te considère comme un ami, un bon ami. Comme Denis, je me disais, quand il est arrivé ici, est-ce qu'il devait se douter un peu dans quoi il se mettait les deux pieds? Hein? Tu devais savoir dans quel état la plupart d'entre nous se trouvaient. Puis tu es venu malgré tout, fait que je voulais te dire merci pour ça. Je voulais te remercier pour les mercredis soirs, en particulier toute la préparation que tu as faite, mais ceux en particulier où j'étais là quand on a parlé du chac. Mais toute la préparation que tu as faite, comme Denise le disait, je le sais qu'il y a plein de préparation, que beaucoup de travail que tu as fait. Merci pour tes soupers avec les jeunes. Moi aussi, ça me parle beaucoup. Merci de rester jeune toi-même de cœur. Merci de prendre soin de toi. Merci de nous avoir montré qu'on ne pouvait pas toujours être en accord les uns avec les autres, mais qu'on pouvait « agree to disagree ». Merci de nous avoir amené à produire une identité, une énoncé de mission, de nous donner des buts communs. Puis on ne s'en rendait pas compte, je pense, à quel point c'était important. Il y a une phrase que j'ai mise sur mon Facebook récemment que j'ai prise de quelqu'un d'autre qui, pour moi, résume bien l'impact que Jacques a eu dans ma vie en tant que membre de l'Église. Ça disait « L'Église que j'aime parle plus de liberté que d'obéissance, d'invitation que d'obligation. » Alors Jacques, tu nous as amené à être ouverts. À réfléchir par nous-mêmes plutôt que d'obéir aveuglément. Hey, la nouvelle mariée! Sur une note plus personnelle, je voulais te remercier, moi, je pense que je ne suis pas la seule, mais de m'avoir sorti d'une façon de penser limitée et limitative là, qui me limitait beaucoup. Merci de m'avoir poussée à penser. Merci de ta patience envers moi. Merci pour ta tarte à la citrouille. Puis quand je pense à Jacques, je vais penser, ça c'est plus vraiment plus personnel, c'est quand tu étais venu une fois écouter le hockey chez nous, puis on avait mangé des chips, puis c'était vraiment... chacun ses bonheurs, hein? Je pense que oui, mais c'était dans les finales, là. En tout cas, ouais. Quand je pense à Jacques aussi... Je vais me rappeler de la nouvelle façon de voir Romains 8, 28, quand il la nouvelle version un peu de M. Tournier, « Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien ». Ça l'a beaucoup changé ma vie, plutôt que de voir d'une façon là, que comme si les choses étaient régimentées ou que... C'est ça, non. Ça l'a changé, puis ça continue à changer ma vie. Puis vraiment, personnellement, je voulais te remercier de m'avoir amené à... un point dans ma vie que je pensais plus possible après 23 ans. Ceux qui le connaissent, pas tout le monde est au courant, là, j'en parlerai pas aujourd'hui certains, mais il y en a certains qui sont au courant, puis je pensais pas que c'était possible. Fait que c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Jacques, et merci beaucoup. Alors, je connais Jacques, moi, depuis 31 ans. Et je dois vous dire que dès qu'on s'est vu, j'étais jeune, je venais de sortir de l'université, j'arrivais à Montréal, les premières rencontres, et puis tu reconnais un gars qui est, vous avez dit sage, mais moi je dirais aussi très smart, brillant, intelligent, qui est capable de penser en dehors. Et je voyais que c'était un emmerdeur. Oui. Tu avais 16 ans, c'est vrai. J'avais 16 ans, t'as raison, c'est bien, bien avant Bécomo, t'as raison. T'as une meilleure mémoire que moi? Non, je m'en souviens très, très bien, surtout qu'on a eu des événements assez particuliers. Mais quelqu'un qui est capable de penser en dehors de la boîte, quand je vous disais la capacité de penser, en dehors de tout simplement... Alors ça, il rend d'autres personnes, il peut rendre d'autres personnes indisposées, parce que ça se perçoit, ça se sent qu'il voit clair, qu'il y a une perspective. Mais vu qu'il a tellement un amour de l'autre fort, alors il cherche tout le temps une façon de rapprocher. Ça, c'est lui. Je pensais tout à l'heure, et je vais faire le lien avec ce que disait Glenn, ce que disait aussi Denise et même Daniel, parce que je faisais un peu l'humour avec cela. Vous savez, au début, jeune chrétien, on est très paulinien. Hein? C'est le dogme, c'est la conduite. Paul est tellement précis, hein, souvent dans ses épîtres, et c'est le salut individuel. Et ensuite, on s'aperçoit plus tard dans la vie que, si je me trompe bien, me trompe pas, l'épître de Jacques, c'est bien le frère de Jésus qui l'a écrite. Alors, c'est celui qui a fréquenté le plus Jésus en passant. Il a été élevé avec. Et là, on arrive avec du concret. Et là, ça me fait penser au message de Jacques, hein, des discussions sur qu'est-ce que le christianisme. Et Jacques va arriver, la religion pure et sans tâche, là. Mettez pas ça compliqué, là. Hein, tu t'occupes de l'orphelin, tu t'occupes de la veuve, tu t'occupes de ceux qui sont dans le besoin, OK? Ça, c'est Jacques. Vous ne trouvez pas le projet de Dieu? Alors, je terminerai en disant, premièrement, tu es mon ami, tu le seras pour toujours. Puis sache que tu ne mourras pas tout seul, on va être avec toi. Ça, je te l'ai dit, je te le répète, tel que tu es. Tel que tu es, dans tous tes aspects, intimes comme extérieurs, tu saches qu'on est avec toi. Et puis, si j'avais su que l'Église même discutait du nom, et moi j'avais suggéré à ma gang d'Agapé à l'époque, avec Louise, on avait suggéré, bien, ce serait tellement bien, mais pas à titre posthume, de l'appeler ici l'Église Saint-Jacques. Merci. Ben Jacques, je peux te dire que tu es un homme qui était très ouvert d'esprit, puis qu'en plus, qui nous a aidé à nous libérer en quelque sorte du légalisme de tout ce qui s'appelle les dogmes et tout ça. Je pense que c'est ça qu'on va se rappeler de toi, Jacques. C'est un homme qui était ouvert d'esprit, puis qui en plus qui était libérateur en plus. Comme le Christ, dans le fond, Jacques. Merci. Qui s'est enregistré. Bonjour tout le monde. Fait que, premièrement, moi je vais commencer de la part de tous les jeunes du souper. Normand était en France, fait qu'il pouvait pas être là. En fait, il revenait ce soir, donc je parle à son nom. Heidi et Fred sont pas à Montréal. Puis Myriam, je pensais qu'elle serait là, mais finalement elle n'est pas là. Donc je parle au nom de nous tous. On a vraiment apprécié les soupers que tu as fait avec nous. Ça a été du temps de qualité qu'on a pu passer ensemble, qui était vraiment précieux, un temps qu'on pouvait aussi se relaxer. Des fois, j'arrivais en fin de session, puis j'étais vraiment fatigué. Puis là, tu sais, on pouvait prendre le temps de s'asseoir tranquillement, discuter, partager, créer des liens. C'était vraiment des soupers importants, je pense, pour tout le monde. Puis c'est vrai, Ezra aussi, il a participé à quelques soupers, fait que je pense qu'ici aussi, il peut approuver. Donc, on a vraiment, ça a vraiment été des soupers mémorables, puis on s'en est tous parlé. On souhaite vraiment que ça continue dans le futur, qu'on puisse se reprendre un bon verre de vin ensemble. Donc, voilà. Ensuite, Daisy, je pense qu'elle avait préparé un petit mot. C'est plus court que les autres, là, mais ça vient du fond du cœur. Je ne te connais peut-être pas autant que les autres personnes ici présentes, mais tu as réussi à marquer ma vie. Par ta façon d'approcher les gens, par ta façon d'exprimer tes idées, par ta façon de nous faire réfléchir, par ta personnalité et la bonne humeur que tu dégages à chaque fois qu'on s'est côtoyé, je me souviendrai toujours de toi. Avec les soupers du mercredi soir, comme Mickaël en a parlé, tu m'as permis de faire de bons questionnements par rapport à mes croyances. Puis j'espère avoir l'occasion de te revoir prochainement. Bravo. Merci. Bon, on se rencontre quand, Jacques? Là, on se boucle-tu un dîner? On s'est souvent rencontrés pour le dîner. J'aime bien ça. Fait qu'on on se parle tantôt. Mais vraiment, très apprécié. Je suis bien content de te connaître puis d'être ton ami. Puis que tu sois mon ami. OK? Merci pour moi, tu étais une belle manifestation du fruit de l'esprit. En tout cas, entre autres, la patience que je retiens principalement. Puis merci ton sens du raccompagnement, de la sensibilité que tu as eue pour l'Église ici. C'était remarquable, cette attitude-là, ce système de pensée relié à toute la bienveillance et la patience. Merci parce que ça nous a fait un bien énorme. Ça nous a permis de guérir un certain nombre de nos blessures puis de croître avec la pensée que tu nous as partagée. Merci beaucoup, Jean. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses que moi, je pensais, comme par exemple ton ouverture aux autres, ta façon d'accueillir les gens tels qu'ils sont, ça fait beaucoup de bien. Ta grande affection pour les gens, ça fait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir quelqu'un comme toi dans notre entourage. Et il y a une phrase que tu as dite un jour qui m'a parlé là, sur la façon de vivre la vie chrétienne. Tu as dit, il ne faut pas chercher à être un bon chrétien, il faut chercher à être une bonne personne. Puis ça m'a parlé, puis je me dis, vrai, un bon chrétien cherche à suivre un nombre de règles, puis il y a plus une rigidité là-dedans, tandis qu'une bonne personne cherche à faire du bien aux autres, à être sensible aux besoins des autres, puis je pense que c'est ce que tu fais. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Jacques. Parce que je me suis souvenu que dans la cuisine un matin, Katia m'a dit, tu diras à Jacques un gros merci, puis qu'elle ne pouvait pas être là ce matin, mais qu'elle pensait à toi, puis qu'elle voulait t'écrire pour pouvoir te saluer. Puis David aussi, qui était dans la cuisine ce matin, il dit aujourd'hui hein, que Jacques il part, puis il y avait une partie de hockey, tu lui diras un gros bonjour. Fait que pour moi, c'est significatif. Les enfants pensent à toi, puis ça veut dire quelque chose pour moi. Jacques, il est écrit dans la Bible qu'un autre te loue et non ta bouche. Première leçon de marketing. Mais c'est toujours mieux. Et je sais que tu es humble et modeste. Et l'autre chose que je te ferais remarquer, c'est que c'est vraiment le fun d'entendre ce que les gens diraient, mais tu es encore en vie. Ça aussi! Oui, non, mais on sait que souvent, en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, mais ce que moi je veux dire, c'est pas tellement à Jacques que je veux dire, mais c'est à l'Église ici. Moi, je connais Jacques aussi depuis quelques années, et j'ai vu les églises qu'il a semées, qu'il a bâties, puis qu'il a laissées. J'ai vu l'œuvre qu'il a laissée derrière lui. Puis ça, là, ça parle très fort. Tu sais, toutes les églises qu'il a plantées, qu'il a bâties, là, que moi j'ai connues, ils vont très bien. Il a fait des œuvres qui ont duré. Il a laissé des églises en santé. Mais quand il est parti, c'était parce que Dieu l'appelait à faire autre chose. Bien, en général, quand ça va bien et c'est en santé, Dieu l'amène ailleurs puis il fait d'autres choses. Fait que moi, je veux vous dire, Église, ce matin, s'il passe parce que vous êtes rendu en santé, parce que vous allez bien, puis parce que vous êtes solide. Puis j'ai pas vu encore quelque chose que Jacques a fait qui a fait patate. OK? C'est que, puis, soyez pas étonnés, vous allez voir Jacques partir d'autre chose, là. Vous le dis. Il veut prendre un break, il veut regarder des films, mais au bout d'un petit bout, bon, il va vendre des vitamines, c'est sûr. Mais, lui, c'est un homme qui a des vitamines réelles puis des vitamines spirituelles. Puis, je pense que dans les deux cas, il y a des excellents produits. Ça vaut la peine de l'encourager. Mais... ça s'use pas, hein? C'est usagé. Bon, mais pour revenir à moi, ça m'étonnerait pas là, que dans pas grand temps, il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose que personne n'a fait encore, puis il va être impliqué. Puis Jacques, il a le don il parle, tu sais, moi j'ai connu bien des preachers qui parlaient fort puis qui sautaient quand ils prêchaient. Jacques, il est pas vraiment comme ça. Mais quand il parle, ça porte. quand tu parles, on écoute, puis ça a de l'impact, puis il y a des vies qui sont transformées. Et il y a le don aussi d'aller chercher des gens extraordinaires, de monter des belles équipes. Puis c'est ce que je vois ici ce matin, là. Moi, je suis venue de temps en temps à votre église, puis je vois la superbe équipe que tu laisses en place. Ça, c'est votre héritage. Fait que c'est le fun de faire un au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir. Mais moi, je vous dis, église, pour vraiment honorer Jacques comme il le faut, continuer à croître en grandeur, en profondeur, à tous les égards, continuer à prospérer comme votre âme prospère. Faites-lui honneur. Faites-lui honneur à ses 4 ans qu'il a investi chez vous, parce que Jacques, c'est un apôtre. Puis il ne peut pas rester toute sa vie à la même place. Mais faites-lui honneur avec votre amour, à persévérer dans les enseignements qu'il vous a donnés, puis en bâtissant sur ce qu'il vous laisse, OK? Moi, Jacques, j'aimerais te dire merci au nom de toute la famille, parce que mon père n'a pas pu être ici, il a eu un empêchement avec Justus à la maison. Alors, je te dis merci pour ce que tu as fait. Et à travers les mercredis soirs avec les jeunes, j'ai aussi beaucoup appris et ça a pu m'enrichir aussi dans ma vie de tous les jours. Je pense encore au partage et à plein de choses que tu as dit en avant et dans les mercredis soirs. Merci beaucoup, Jacques. Bonjour tout le monde, mais bonjour Jacques. J'ai un petit peu mal à la gorge. Mais je voulais te dire, Jacques, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici et de ne pas m'avoir jugé. Pour la majorité qui me connaissent, je ne suis pas croyante, mais il m'a toujours ouvert la porte ici, ainsi que beaucoup de membres ici. Et ça me touche beaucoup. Tu es une personne très généreuse et je voulais te remercier. S'il n'y a plus personne pour venir en avant, ben je vais clore, à moins que Jacques veuille nous dire un mot. Bon, voilà. Donc, c'est sûr qu'on va se revoir. Hein? Le mot le dit bien, au revoir. On va se revoir. J'aimerais simplement remercier aussi la communauté, le conseil, l'ancien conseil. Qui représentait l'ensemble de la communauté et pour aussi la générosité que vous avez démontré durant ces 4 ans. Chaque année, vous m'avez permis d'aller en République dominicaine un mois. La première année, peut-être, je pense que c'était 2 semaines, 3 semaines, mais pour la mission, et puis aussi la dernière année, c'était aussi pour des vacances. Et chaque année, c'était avec congé payé. Alors, c'était généreux de la communauté de le faire. Et je voulais le noter que vous êtes une communauté généreuse. Et puis, j'aimerais par contre juste faire aussi un petit un acte de contrition et demander pardon. Si parfois dans mes paroles, j'ai pu blesser quelqu'un ou. Lors de mon dernier partage, j'ai dit à Daniel que je me repentirais. Non, c'était lors de mon dernier partage, le 16 septembre, je pense. Et c'était mon dernier partage. Je disais que... je parlais à la blague. Hein, je blaguais un peu. Là. Je disais, c'est mon dernier dimanche, je peux dire ce que je veux. Hein? Et puis, mais j'ai dit une parole que j'ai regrettée après. Je m'adressais surtout aux membres et non pas aux visiteurs. Et puis, j'ai utilisé un terme de parasite. Et donc, c'était une parole de trop, un mot de trop que j'ai dit. Et puis, ceux qui étaient là, vous allez le remettre dans le contexte dans lequel je l'ai dit. Donc, voilà, c'est mon acte de contrition. Et puis, mais pour vous dire que déjà, hein, vous me manquez. Ça fait 2 dimanches que je ne suis pas là et puis que j'ai fréquenté l'église anglicane, j'aime bien la liturgie anglicane et puis mais je pensais à vous à chaque dimanche matin Et puis, déjà, vous me manquez énormément. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci de votre générosité, parce que je trouve que vous avez été une communauté généreuse et puis accueillante aussi, parce que si, y a, dans plusieurs des partages ce matin, plusieurs ont souligné l'accueil que j'avais pour les gens, mais vous aussi, vous avez été une communauté et vous continuez de l'être, une communauté d'accueil pour les gens. Alors, merci bien. Alors, vous êtes. J'ai découvert de nouveaux amis. Hein? De nouveaux amis, comme Denise disait. Et puis, merci bien pour tous les beaux partages que vous avez faits ce matin. Ça me touche énormément. Je verse des larmes à l'intérieur. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Et comme disait ma chère amie Louise, vaut mieux entendre ces belles paroles de notre vivant. Parce hier, j'étais justement dans un service funéraire d'un ami, un pasteur, Marcel Gagnon, qui est décédé le 6 octobre. Et puis, il y avait de beaux hommages qui lui ont été rendus. Et puis, entre autres, Roberta, à la fin, son épouse, disait que Marcel se posait souvent la question, « Est-ce que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un, des gens? » Et puis, c'est ma devise, d'ailleurs, ce matin d'affaires, faire une différence. Et puis, je suis content de savoir de mon vivant, de par vos témoignages, que j'ai pu faire une différence. Et vous avez fait aussi une différence dans ma vie. J'ai appris également. J'ai appris également de vous. Et puis, je vous suis reconnaissant de votre amitié, de votre patience envers moi aussi. Vous avez été patient aussi. Et puis, pour toutes les belles choses que vous m'avez apportées dans ma vie. Alors, c'est tout. premier jour, il descendit au séjour de mort. Oh, le deuxième jour, la mort lui a rendu la paix. Oh, le troisième jour, la terre s'est mise à trembler. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, Jésus est vivant, oh, tu es vivant, oh, papa n'est pas mort. Oh, Jésus est vivant, oui, dans ta vie, il est là.